Bonsoir. Tabarouette. Ça va? Êtes-vous encore là? Oui. Listerine. Pardon? Un, deux, ça va? Entendez-vous en arrière? Non. Oui? Dommage. Le titre de la conférence de ce soir, comment bénéficier des événements de l'avenir. La semaine passée, pour ceux qui étaient là ou ceux qui ont écouté les cassettes, on a appris qu'il n'y avait pas de temps. Là, maintenant, on va apprendre comment bénéficier des événements de l'avenir. Et suite logique. Ceux qui étaient plus là encore que Charles ont compris aussi que j'ai répété souvent que sur la planète, c'était utile de continuer à conserver le concept de l'avenir, du passé et du présent. OK. On va donc parler du concept de l'avenir. Est-ce que les événements qui sont inclus dans l'avenir sont aussi un concept? Ça dépend de celui qui regarde. Même quand on regarde une étoile avec un télescope, on regarde un concept. Premièrement, elle n'existe probablement plus, l'étoile, même si on la voit. Et puis en plus, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On a une image dans la tête, puis on regarde ça dans le télescope. Alors, ça ressemble à un concept. Conceptuel, oui, effectivement. Même l'avenir, il l'est totalement. Si on regarde, par exemple, le Canada a dit dernièrement que probablement que dans les 10 jours à venir, il déclarerait la guerre à l'Irak. Bon, il y a des grosses têtes des forces armées américaines qui vont s'en aller aujourd'hui, enfin demain ou après-demain, en Arabie Saoudite pour préparer l'invasion de l'Irak avec les alliés. Puis le Canada a même déclaré que si l'ONU n'accréditait pas l'invasion, que probablement que le Canada le ferait sans l'appui des forces de l'ONU. Donc, si on regarde comment bénéficier des événements de l'avenir, ben, investir dans les armements militaires, ce serait déjà une bonne façon de bénéficier des événements de l'avenir. Ou investir encore dans la fabrication de cercueils. Bon. Il y a plusieurs façons de bénéficier des événements de l'avenir. Ça dépend simplement de quel avenir l'on veut parler. Est-ce que l'avenir est définitivement orienté vers une guerre? Absolument. L'avenir de l'animal humain, oui. Officiel, parce que l'animal humain ne peut pas vivre sans mourir. Il ne peut pas vivre sans guerre. Mais là, avec la guerre, c'est quelque chose qui l'occupe. Avec les rêves de Bouddha qui... Ouais, c'est-à-dire Bouddha qui entre les rêves de Saddam Hussein et qui lui dit de sortir... Non, c'est pas Bouddha, c'est Allah. Allah, bon, Allah. Tout pareil. Son cousin. Et le pire, c'est que nos gouverneurs, ils pensent comme lui. Ils n'ont rien compris à la situation, puis ils prennent des décisions. Son cousin, de toute façon. Ça ressemble comme deux Bouddhas. Non, Bouddha, il boude Allah. Mais... Allah, c'est... De toute façon, il y a plusieurs choses qui sont importantes à comprendre. Saddam Hussein et quelques personnages dans la région qui réincarnent les mémoires de Mahomet. Hein, on en a déjà parlé. Et il y a Maitreya qui va réincarner la majorité des mémoires des personnages qui ont été connus comme étant des avatars. Ça veut donc dire effectivement Bouddha, ça veut dire Allah, ça veut dire Mahomet probablement, ça veut dire Jésus, ça veut dire Moïse, ça veut dire un paquet d'autres. Et ces personnages-là sont en train de structurer une démarche d'humanité qu'on peut appeler un avenir. Alors, il y a premièrement au Japon des personnalités qui sont des Allemands, hein, qui travaillaient avec le Führer lors de la Deuxième Guerre mondiale et qui, eux, manipulent la finance planétaire. Ils sont en train d'acheter tout ce qui est américain parce que depuis l'explosion des 2 bombes nucléaires au-dessus du Japon, l'égrégore japonais a été très amoché par les radiations. On a déjà expliqué comment ça se faisait. Ce qui fait que depuis ce temps-là, les Japonais veulent être américains. Et on a en même temps une préparation organisée par des sociétés secrètes, certaines loges franc-maçonniques, mais il y a aussi Odessa, il y a aussi le Prieuré de Sion, il y a plusieurs organisations du même genre qui travaillent extrêmement fort pour faire en sorte que l'humanité puisse parvenir le plus rapidement possible à l'âge d'or, donc à un ère de paix. Et pour cela, ils ont comme concept que plus le mal sera présent sur la planète Terre concentrée, plus le temps passera vite. C'est-à-dire que c'est exactement comme si l'humanité devait absorber 3 kilos de mal. Ils peuvent absorber 3 kilos de mal sur 15 ans. On peut aussi lui donner en une heure. Sauf que si on lui donne en une heure, nécessairement, elle sera beaucoup plus concentrée. Et ces personnages travaillent à faire en sorte de précipiter l'âge de fer, donc l'ère actuelle au niveau d'évolution, de façon à libérer l'humain le plus rapidement possible de ses cancers, de ses problèmes. Sauf qu'en même temps, il y a dans la vision du prieuré de Sion une idée particulière, celle que le peuple assujetti au prieuré de Sion aurait vendu l'humanité à des extraterrestres il y a de cela quelques milliers d'années. Et c'est pourquoi les Juifs, entre autres, deviennent bannis finalement de la majorité des contextes planétaires. Presque toutes les nations ont toujours travaillé pour éliminer le peuple juif, manipulé par des mécaniques intraterrestres qui, elles, veulent absolument assujettir l'humain à leur évolution pour voler leur génétique de façon à pouvoir se mêler à la race humaine, de façon à pouvoir monter à la surface du plan planétaire, donc de la surface de la planète, pour pouvoir continuer à vivre, parce que là où ils vivent, la Terre est de plus en plus refroidie. La Terre se refroidit et ils ont de plus en plus de difficultés à vivre là-dedans. Ce qui fait qu'eux vont tout faire pour empêcher le peuple juif de parvenir à ce qu'il a eu comme contrat à un moment donné avec ce qu'on appellera les Élohim. Et nécessairement, il y a donc une guerre qui va se faire. Les intraterrestres, qui manipulent d'ailleurs la majorité des gouvernements mondiaux, vont tout faire pour que les Juifs soient refusés un peu partout. Ils vont tout faire pour adoucir le pacte qui s'est fait entre les Juifs et les extraterrestres. Et il y a une guerre, finalement, qui existe présentement à l'extérieur de la planète entre extraterrestres et intraterrestres pour le contrôle de la planète. Il y a une guerre qui existe dans les égrégores du monde de la mort entre des religions, entre des dieux différents pour le contrôle de l'animal humain. Alors, on a donc les chances qu'on se dirige vers une guerre sainte, un djihad, donc une guerre entre les musulmans, par exemple, et les infidèles. C'est ce qui, présentement, est en train de se créer en Irak, et c'est ce qui est prévu par un paquet de prophéties. C'est ce qui devrait engendrer une troisième guerre mondiale. Et il y a donc un paquet de choses comme ça qui font en sorte que, probablement, que l'animal humain vivra une guerre dans les années à venir. Mais ce n'est pas sûr. Mais c'est fortement probable. Si c'est l'éventualité de la guerre qui prédomine, comment on peut bénéficier de ça à part d'investir dans le cercueil, comme tu disais tantôt? Là. Y a-t-il d'autres moyens? Oui. À part de ne pas aller en Irak? Bon, c'est en Irak, c'est pas trop pire en Irak. Parce qu'au Canada, on n'a jamais été craintif d'une guerre, parce que finalement, les guerres, ils se passent pas ici. On va faire les guerres ailleurs. Oui, les guerres ne se sont jamais passées ici, à part les petites guerrettes. Mais les guerres eux-mêmes, non. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que la majorité des Canadiens, présentement, à part ceux qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, même ici, ne pensent encore qu'on parle de philosophie quand on parle de probabilité de guerre prochaine, que le Canada va entrer en guerre prochainement. On a une récession économique sur les bras que le gouvernement refuse de reconnaître. On a une taxe nouvelle qui va apparaître et qui va bien couvrir non seulement les produits, mais aussi les services, qui va faire en sorte, parce que les services n'ont jamais été taxés, de ce fait, les gens vont hésiter énormément avant de se servir des services. On peut prendre un exemple. La conférence de ce soir, elle est 10 ou 12 $ plus 7 % de taxes à partir de janvier. Et c'est des services. Bon, alors tout au complet sera taxé. On surtaxe normalement et on va... au niveau des guerres, c'est évident qu'il faut financer ça. Hein, une guerre, ça coûte cher. Et ce qui doit être bien compris, ce que les gens ne savent pas encore, et quand ça va se savoir, ça va être extrêmement paniquant au niveau du Québec, entre autres, parce que le Québec n'est pas un peuple. C'est un peuple qui peut être extrêmement violent, mais c'est un peuple qui, normalement, n'est pas guerrier. Alors, imaginez simplement que tous ceux qui ont 30 ans et moins, vous allez les premiers à être conscrits, probablement dans quelques années, pour aller vous battre sur un autre front. Quand on parle de guerre, on parle que la majorité des jeunes qui sont ici dans la salle ou qui ne sont pas et qui écoutent vont nécessairement être appelés sous les drapeaux, donc sous les armes, pour aller se faire tuer ailleurs. Et les Québécois, la majorité, ne voudront pas. Et c'est ce qui va arriver aux États-Unis aussi, quand on va commencer à obliger les jeunes Américains, les jeunes Français, il y en a quelques-uns qui vont vouloir y aller parce qu'ils sont encore très facilement collectivisables, mais de plus en plus, ça ne passera pas. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des grosses probabilités qu'en plus d'avoir une guerre ailleurs, qu'on en ait une civile à l'interne à peu près dans la majorité des pays. À cause du refus d'aller en guerre. À cause du refus d'y aller. Pourquoi? Parce que, comme par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts à se battre, mais pas pour les autres. Alors, c'est la farce traditionnelle. Est-ce que vous vous êtes déjà battu lors de la Deuxième Guerre mondiale? Oui, je me suis battu, mais j'étais obligé d'y aller quand même. Ouais. Bon. Alors... J'ai vu justement aujourd'hui sur un autobus de la STCUM qu'il y avait des bandeaux, des affiches qui demandent aux jeunes de s'enrôler dans la réserve militaire. Donc, c'est normal. Ça, j'en avais jamais vu d'annonce. Non, normalement, on s'enrôle dans l'armée. Puis quand. Ouais. l'armée d'abord, la réserve ensuite, mais on prépare la réserve. C'est qu'il y a une loi canadienne qui interdit aux forces militaires d'avoir plus de temps de soldats en temps de paix. Ils ne peuvent pas en enrôler plus. Mais la loi prévoit peut-être rien sur la réserve. De toute façon, les réserves, c'est ce qui crée des problèmes, on le sait. On a des problèmes depuis... tout l'été, on a des problèmes avec les réserves au Canada, au Québec. Alors, on va en avoir encore avec la réserve. Comment bénéficier des événements de l'avenir? Premièrement, il faut comprendre... on a parlé un peu de ce qu'était l'avenir la semaine dernière. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents avenirs possibles. Il y a différents futurs possibles. L'être humain ne fait pas le choix en disant « Tiens, c'est ce que j'aimerais avoir », parce que si c'est ce que l'humain aimerait avoir, on a des fortes chances que c'est ce que l'humain n'est pas. Bon, une chose qui est extrêmement importante à comprendre, c'est que dans la majorité des cas, quand vous avez eu peur, on a souvent peur pour rien. Hein? Dans la majorité des cas, quand on a eu peur, on a eu peur pour rien. Deuxièmement, quand l'être humain espère quelque chose, c'est à peu près 100%, disons 99%, ce qu'il espère n'arrive pas. Donc, ce qu'il craint n'arrive pas non plus. Et on a une chose qui est évidente, qu'on connaît, qu'on devrait maintenant être capable d'intégrer convenablement, c'est que ça n'arrive jamais comme on a pensé, ni en bien ni en mal. Ça n'arrive jamais comme on a pensé. Si ça n'arrive jamais comme on a pensé, ça veut dire qu'on devrait premièrement, pour bénéficier de l'avenir, déjà extirper de notre conscience toutes les prophéties. Pourquoi? Parce que ça, c'est comment ça devrait arriver. Ça n'arrivera pas comme ça. On devrait s'arranger pour éliminer, et moi, comme je t'ai dit à un moment donné que j'avais un don particulier, c'est pour prévoir l'avenir, c'est que je suis capable de prévoir tout ce qui n'arrivera pas. C'est assez doué là-dedans. Oui. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'effectivement, la majorité des humains peuvent faire la même chose. Mais on ne s'en sert pas. Ça veut dire que tu te dis, par exemple, oui, mais là, je vais voir mon patron, là, puis qui m'apporte. C'est réglé de me mettre pas à la porte. Bon, maintenant, si je vais voir exactement, on peut prévoir ce qui n'arrivera pas. Mais l'humain ne se sert pas de ça. Pourquoi? Parce que l'humain est trop émotif. Bon, ce qui arrive, et quand je fais, par exemple, avec certains séminaristes, on fait des pratiques de cumberlandistes. Ça, c'est simple, c'est qu'on prend 5-6 personnes, on leur donne un objet, ils le cachent derrière leur dos, et il y a une 7e personne qui n'est pas là. Quand l'objet est caché, on la fait venir, puis on lui demande de trouver qui a l'objet. Cumberlandiste, c'est trouver ce qui est caché. Et les personnes, je leur explique, je leur donne une démonstration ou deux pour leur montrer que ça se fait, et puis après, je leur explique, regardez ceci. Vous allez avoir les 5 personnes, et puis là, vous allez avoir l'idée que c'est cette personne-là qui l'a. Alors, elle, élimine-la, pas elle qui l'a. Ton ego, on est capable, on le sait, on est capable de le savoir. Sauf que notre ego qui est médiocre, qui vit de médiocratie, qui nous confine toujours à être petit, à être ignoblement ignare, eh bien, notre ego, il nous donne toujours l'inverse pour nous prouver qu'on n'est pas capable. Alors, à un moment donné, bon, je suis sûr que c'est cette personne-là, alors tu peux dire simplement, je suis sûr que c'est toi, je t'élimine. Est-ce que tu l'as? Puis à presque 100% des cas, la personne répond non. Et là, finalement, il va aller fouiller, bon, c'est plus elle. Alors, il regarde ces personnes, puis il y en a une, là, subitement, de la face de la personne qui a l'objet, c'est évident. Élimine-la. Et puis, à un moment donné, tu te ramasses avec, ben là, c'est comme idiot, parce que je suis sûr, c'est pas toi, est-ce que tu l'as? Oui. Et quand les individus vont à l'inverse de ce que leur ego leur donne comme intuition, ils ont 75, 80, 90%, puis il y a quelques rares personnes qui ont 100% toujours raison. Et là, ce qui va arriver, il y a des personnes qui découvrent immédiatement qu'après 5-6 pratiques, c'est vrai, ça fonctionne à l'inverse. Et après, ça commence à plus fonctionner. Non, l'ego le sait maintenant. Là, l'ego commence à te donner la réalité. Donc là, tu sais jamais si c'est la réalité ou exact. Si c'est l'ego. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que maintenant, tu sais que tu peux savoir. C'est des fois un départ. Mais tu sais que tu peux pas te fier sur ce que tu sais. Pas pour l'instant, pas tant que tu es émotif. Alors, ce qui va arriver, c'est que les individus, au niveau de l'avenir, c'est un peu la même chose. Les personnes, bon, ils ont peur de ceci, ils ont peur de cela, ils voient ceci, ils voient cela. Et à 99%, ce que tu as vu, ce que tu as imaginé n'arrivera pas. Donc, de ce fait, quand je dis que j'ai la capacité de prévoir ce qui n'arrivera pas, ça fait toujours comme comique. À un moment donné, mes enfants étaient au Guatemala. Est-ce qu'ils allaient bien, est-ce qu'ils allaient mal? J'avais aucune nouvelle. Ils étaient dans la jungle, assez éloignés. Alors, c'était simple. Alors, je me demande, bon, comment ils vont? Puis là, je les vois malades. Parfait, ils sont en santé. Là, je les vois morts. Parfait, ils sont vivants. Mais après ça, je les vois ceci, cela, cela, cela. Puis finalement, tout ce que j'ai vu, c'est débile. Donc, je pouvais bien dormir, c'était correct. Et effectivement, quand j'étais les chercher là-bas, c'était bien correct. Ça paraît bizarre, mais effectivement. Sauf qu'il faut avoir les reins solides. Pourquoi? Parce que sinon, émotivement, on se fait immédiatement ramasser. Devriez-vous investir dans telle place? Ah, vous êtes sûr que ça va être bon, hein? Bon. Et bien souvent, on se trompe. Et je pourrais dire, tu en sais quelque chose, mais quand même. les astrologues ont de plus en plus tard. Donc, l'humain peut de moins en moins bénéficier de sa capacité traditionnelle de connaître l'avenir. Pourquoi? Parce que ça va arriver comme l'humain ne s'y en attend pas. Et c'est sûr que ce très, très, très intellect pourrait me dire, bon, mais ça a été prédit, donc peut-être que ça n'arrivera pas comme ça. Si on finit par tout se dire que tout ce qu'on a prévu n'arrivera pas, on va tout prévoir, ou peut-être pas prévoir, mais préparer un chemin qui, lui, est inconnu. Si tout le monde fait la même chose, on va se ramasser dans un chemin, on va être des centaines de milliers dans le même chemin. Avenir-là va devenir prévisible aussi. Oui. Maintenant, ce qui va arriver simplement, c'est qu'il y a donc, il y a différentes lois. Hein, on le sait. La personne qui est en conscientisation, la personne qui est en mutation, la personne qui a la capacité, à un moment donné, de voir le neuf, d'accepter des choses neuves, la personne qui a cette capacité-là, nécessairement, elle, lorsqu'elle va prévoir des choses, elle va probablement détruire son futur. Bon. Tu pourrais la garder assise, ça ne dérange plus la personne. Vu qu'elle aura la capacité de prévoir des choses au niveau de l'avenir, la problématique qui va arriver, et ça, c'est une question d'évolution. Je vais expliquer brièvement. L'être humain n'est pas sur la planète Terre pour être heureux. J'espère que vous vous en étiez rendu compte. Bon, parce que sinon, vous avez manqué votre coup, on vous a compté pas mal de salade. L'être humain n'est pas sur la Terre pour être en paix. On n'est pas là pour être malheureux non plus. Non, exact. Mais l'être humain qui passe sa vie à rechercher le bonheur, passe sa vie à rechercher quelque chose qui finalement ne va absolument pas avec sa fonction planétaire. De ce fait, celui qui recherche le bonheur est toujours confiné à être malheureux, à avoir peur. Alors, il y en a qui se créent des illusions de bonheur pendant un laps de temps. Ça peut être avec de la drogue, avec de la boisson, avec des amis. C'est la même chose. Quand un ami meurt, quand un ami s'en va, ou etc., on recommence. Alors, regardez ceci. Dans notre vie, il y a toujours un moment donné où tout va merveilleusement bien. Ça dure 4 ans, 5 ans, 6 ans. Bon, il y en a qui sont pas chanceux, ça a duré 2 semaines, OK. Mais ça dure quelques années. Et puis, c'est parfait, c'est parfait. Mais veut, veut pas, subitement, ça commence à descendre. Des coups de feu. Je sais pas si Michel travaille à soir, c'est son secteur. Qui s'est enfargé sur son âme. Bon, en tout cas. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que l'être humain qui évolue, il se fait matraquer. Fait une référence policière. T'as encore branché, c'est le policier. C'est ça. Non, mais c'est lampes de poche, c'est autre. Et puis, un être humain qui, à un moment donné, évolue collectivement, il est assujetti au futur des collectivités. Lorsque l'être humain commence à se conscientiser, il commence à vivre une conscience individuelle qui le désassujettit des collectivités. De ce fait, il ne peut pas faire confiance au groupe, à des groupements, à des livres, à des films, à des conférenciers, comme le ferait une personne collective. Pourquoi? Parce qu'il commence à être sélectif. Il analyse ce qu'il voit, ce qu'il entend ou ce qu'il perçoit en fonction de ce qu'il est lui et non pas en fonction de ce qu'il veut être. Parce que quand on est collectif, on l'analyse surtout en fonction d'un schéma collectif, de ce qu'on aimerait être pour plaire à la collectivité. Et progressivement, l'individu commence à être assujetti à de nouvelles lois, ce qui va faire en sorte que dans l'ère du poisson, il y a beaucoup de personnes qui vont projeter des choses et qui, à un moment donné, vont dire, bien, par la projection, ça fonctionne, on est capable d'avoir ce qu'on veut. Ce que ces personnes-là ne savent pas, c'est qu'ils ne projettent absolument rien. C'est qu'à un moment donné, ils cherchent ce qu'ils aimeraient projeter. Et à un moment donné, bien, ils tombent dans une trame de quelque chose qui va arriver probablement. Et là, ils projettent ça et ils l'ont. Ça confirme qu'ils ont les barbites, alors qu'ils se sont fait avoir une autre fois. Une deuxième, peut-être. Plus que ça. Donc, une autre fois. Et l'individu qui se conscientise, à un moment donné, lui, il va vivre différents problèmes. L'évolution de l'être humain est basée sur certains facteurs. Juste avant que tu ailles là-dedans, là. Parfait. Tu dis que j'ai pensé que tu avais soif. Celui qui était dans l'air du poisson, il était capable de projeter une image d'un futur réel. Parce que c'est celui qui va arriver. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. S'il le fait convenablement, il projette toujours un futur qui arrive. Celui qui est dans... L'ère nouvelle. Dans l'ère nouvelle, lui, est-ce qu'il peut aussi accidentellement voir la trame de son futur dans lequel s'il est totalement égoïque à ce moment donné-là, oui. Donc, s'il n'a pas d'ego, s'il n'est pas émotif, s'il est uniquement centré dans son intelligence, oui. C'est très rare. Puis c'est pas long que c'est récupéré par l'ego, puis après ça, on défait tout, puis on colore, puis on ajuste, puis finalement, on se plante. Mais ce qu'on doit comprendre, pour bénéficier des événements de l'avenir, il faut qu'on sache premièrement qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on vient foutre sur la planète. Bon, il y aura une conférence, je crois, au décembre ou novembre, sur justement le rôle cosmique de l'homme. On pourra revenir plus amplement sur cette mécanique-là. Mais on se pose souvent des questions, comment faire ceci, comment faire cela, etc. On travaille toute notre vie à faire un paquet de choses, puis finalement, on meurt. C'est pas brillant à faire. Il y a quelque chose de... En tout cas, c'est peut-être catholique, mais c'est pas brillant. Et qu'est-ce que l'être humain fait ici? Si on regarde simplement la façon dont il vit depuis qu'il est sur la planète, du moins depuis qu'on peut historiquement aller fouiller si on veut, on se rend compte que l'être humain vit une vie sinusoïdale. Ça va bien, ça va pas, ça va bien, ça va pas. Je suis heureux, je suis malheureux, je chante, je chiale, je ris, je pleure, sans arrêt. Et quand je disais dernièrement, il n'y a pas de justice sur la planète, ça vaut même pas la peine de la chercher, ben un qui a regardé le bonhomme qui meurt volant de son camion, puis qui va tuer un enfant de 5 ans ou de 6 ans qui sort de l'école. Et là, on pourrait se dire, quel karma avait à vivre l'enfant? Ben, ses parents qui vont vivre un karma. Ah ben, quel karma avait à vivre les parents? Mais ben, si c'est à cause des parents, la justice pour l'enfant ne l'a pas, il aurait pu mourir ailleurs. Il aurait pu continuer à vivre. Faire une crise de cœur, ça arrive. Il n'y en a pas un par jour qui fait ça au volant, certainement, au Québec. Mais moi, je me suis justement posé la question, justement, ça arrive. Mathématiquement, en tout cas, ça doit être assez peu probable. Oui, mais il faut que ça frappe un poteau, qu'un enfant te parchoque le poteau. Et là, ce qui arrive, quand on parle donc, il faut qu'on se pose des questions. Je te disais, à un moment donné, la mère de la famille qui est morte électrocutée dans son bain, parce qu'il y a un fil qui, dans des murs, à un moment donné, qui a décidé de toucher. Cherchons. Tout est stupide. Alors, il faut qu'on parvienne, malgré... L'humain va dire souvent, ben non, c'est pas stupide, il y a des bons côtés, il y a des belles choses, il y a des ci, il y a des ça. Seul doit se donner ça astralement, émotivement, psychologiquement, pour pouvoir continuer à supporter le poids écrasant et fracassant de l'absurdité de sa vie. Parce que ça ne fonctionne pas. On est dans le pire des mondes, ça n'a aucun sens. Tout est ridicule. Un géoviste, à un moment donné, me disait... oui, mais il fallait un créateur. Regarde les oiseaux, comment c'est merveilleusement bâti, comment c'est parfait. Puis regarde les chiens, puis regarde les chats. Et oui, ça a tout besoin de manger. C'est mauditement mal fait. Puis en plus, c'est toujours malade. Bon, on est mauditement bien fait, nous autres. Oui, absolument. Savez-vous la quantité d'aliments qu'on doit manger avec la quantité d'équilibre qu'on doit mettre là-dedans, avec la quantité d'air qu'on doit respirer, puis les exercices, puis le sommeil, puis le ceci, puis le cela. Puis si vous vous stressez, vous êtes malade, puis on est mauditement mal fait. Puis même, c'est la même chose. Bon, un lion, c'est mauditement bien fait, hein? Un chevreuil aussi. Mais quand il y en a un qui tue l'autre, bien, on trouve que c'est... Bien, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Alors, on doit bien comprendre qu'il y a une raison, hein? Il y a effectivement une raison pourquoi on est sur la planète. Mais il n'y a pas juste ça. Il doit y avoir une raison aussi pourquoi on est comme ça sur la planète. Pourquoi l'humain passe son temps à se battre, à s'entretuer pour des maudites niaiseries? Que ce soit des raisons territoriales, on n'en a rien à foutre. Prenons les Amérindiens, ils se plaignent de leur tradition. Ben oui, mais bon, mais ici, ils voudraient vivre convenablement. Ils pourraient vivre convenablement, ce serait facile, ce serait réglé. On leur ôte ceci. On en perd, nous autres aussi, des morceaux. Sauf que si on passe notre temps à s'accrocher à des morceaux qui doivent tomber, à des dents cariées qui doivent tomber pour être remplacées par des bonnes dents, ben c'est évident qu'on va avoir une bouche assez pleine à un moment donné. La langue, elle va se fourcher là-dedans, on n'aura pas le choix. Bon, avec les dents. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a une raison pourquoi l'être humain est sur la planète Terre, ça on va revenir dans une prochaine conférence, mais il y a une raison pourquoi il est sur la Terre dans cette situation-là. L'être humain évolue, et là je vais, dans le séminaire j'en parle amplement, on va revenir dans une prochaine conférence, mais quand même pour comprendre comment on peut bénéficier de l'avenir, c'est important de savoir comment on peut carrément bénéficier de la vie. Hein? C'est déjà une bonne chose. Il faut dans l'avenir nos affaires. À un moment donné, il faut qu'on commence à ce que ça serve tout de suite. Pour ça, on doit comprendre des mécaniques. Certaines personnes ont remarqué que lorsqu'ils suivaient des régimes, qu'ils maigrissaient, ben, ils n'étaient plus vivables. Il n'y avait pas pour rien, il y avait des tachycardies, le cœur accélère pour rien, ils sont angoissés, ils ont peur, ils sont colériques, ils ont ceci, ils ont cela. Puis évidemment, quand ils suivent des régimes, ben, il y a aussi un autre défaut, ils ont faim. Bon, OK. Mais ça, on va laisser tomber la faim, ça, c'est explicable gastriquement. Pourquoi une personne qui suit un régime, à un moment donné, ne se reconnaît plus ou vit plein de trucs? Parce que ces émotions étaient stockées dans ces graisses. Et quand les graisses fondent, des émotions se ramassent dans le corps. Mais là, c'est comme bizarre ce que je dis là. L'être humain, quand il vit des émotions, il sécrète des hormones. Et son corps physique ne vit l'émotion que parce qu'il y a eu sécrétion hormonale. Les graisses, ainsi que les muscles, ainsi que le cerveau, mais les graisses surtout, stockent les hormones. Quand on fait fondre les graisses, les hormones retournent dans le sang, puis le corps réagit aux hormones. Puis là, ben là, on est tout angoissé, puis on n'a aucune raison. Non, le corps vit l'angoisse. L'angoisse qu'on a vécue à un moment donné astralement, donc dans l'âme, dans la psychologie, et qui a été communiquée au corps physique par le système endocrinien pour qu'on puisse le savoir, qu'on était angoissé. Est-ce que c'est parce que l'émotion qui avait été vécue la première fois, quand elle a été transmise dans les graisses, est-ce qu'on ne l'a pas senti ou moins ressenti? On l'a senti, mais pas autant, parce qu'il y a une partie qui a été stockée au niveau des lipides, des graisses. Fait que c'est un calmant, finalement. Les graisses, oui, c'est un calmant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont manger leurs émotions, mais c'est-à-dire qu'ils bouffent énormément, puis ils vont engraisser. Donc, effectivement, ils vont vivre beaucoup moins puissamment des émotions. Mais le corps physique, ils sont pas en meilleure santé parce qu'ils sont moins stressés. Et le corps physique n'est pas capable de le supporter. Le cœur a de la misère à pomper, il y a un paquet de mécaniques qui sont compliquées. Mais effectivement, au niveau de la psychologie, c'est mieux. Mais pas au niveau de la vie. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que si on a des émotions qui sont exprimées par le système endocrinien et qui vont faire réagir le corps physique, il n'y a pas de bonnes émotions. Techniquement parlant, il n'y a pas de bonnes émotions. Une personne, elle est là, elle souffre d'angine de poitrine, elle a fait 2 infarctus du myocarde, eh bien, elle écoute une partie de hockey, puis son club gagne la Coupe Stanley, elle peut en mourir. Elle est heureuse. Oui, le bonheur tue. Bon, alors on va expliquer à des personnes qui ont des problématiques physiques réelles de faire attention pour ne pas avoir trop d'émotions. Parce qu'une personne cardiaque qui gagne la loterie 649 tout à l'heure, là, samedi prochain, moi j'aimerais être son fils. Parce que je vais hériter, elle va mourir. Bon. Alors ce qu'on doit comprendre, donc, c'est que l'être humain, toute sa vie durant, il a des émotions, bonnes ou mauvaises. On a un bonheur stable, on ne vit presque plus d'émotions, mais c'est pas long qu'il s'effrite, on redescend. On a un malheur stable, tout s'arrange. Tout s'arrange toujours. On s'adapte, premièrement. Donc, une fois adapté, pas pire. Puis, à un moment donné, bien, les choses changent aussi. On nous amène du bonheur. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on s'habitue au malheur qu'on finit par le considérer un malheur? Il y a des malheurs pires, puis des malheurs moins pires. Puis, quand le malheur est moins pire, on pense que non, c'est le bonheur. Non, ça, c'est parce que tu réincarnes un peu du chrétien. Mais. Essayez de me mettre la bouche droite quand je pose mes questions. C'est ça, ça va aider. L'humain s'adapte et l'humain peut se créer des philosophies, mais n'empêche que l'humain aura toujours ses maudits problèmes pour être capable d'être super heureux, d'être super malheureux. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important qu'il ait des émotions. Et ces émotions sécrètent, hein, obligent le corps à sécréter des hormones parce que le corps astral, l'âme, est directement en relation avec l'hypothalamus dans l'expression âme-corps et avec le thalamus dans l'expression corps-âme. En tout cas, ça, on passe là-dessus. Alors, ce qui est important de comprendre, donc, c'est que l'être humain est bâti, hein, on peut le constater, pour vivre des émotions. Les animaux sauvages n'en vivent presque pas. Les animaux qui sont près de l'homme par imprégnation commencent à en vivre. Et les animaux les plus évolués vont vivre avec un peu d'émotions. On peut parler de les polars, on peut parler de certains animaux comme ça. L'être humain est celui qui en vit le plus. C'est le seul animal capable de rire et le seul capable de réellement pleurer. Il est bâti physiquement. Pourquoi vous riez? C'est un réflexe, mais le physique le permet, on ne rit pas sans ça. Pourquoi on pleure? Pourquoi il y a une sécrétation exocrinienne où on aura des larmes? Pourquoi on pleure? Pourquoi ça vient tout bousiller notre système digestif? Tout le système hormonal est bousillé par nos émotions. Pourquoi? Ben on est bâti pour en faire. Si je pleure, je peux faire pleurer plein de monde, en plus. Et si je ris, on pourra tous rire. Hein, des fois, on regarde un film qui est supposément drôle, on va chercher notre ami qui, lui, il rit pour rien, pour le malheur. Puis là, on rit avec le film, là, c'est correct, il fait rire, bon, ça l'aide un peu. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'exprimer des émotions dans le but de sécréter des hormones. Et on sait que l'attaque sans cesse du système hormonal, donc des hormones dans le corps physique, c'est une réaction violente de choc que va vivre une personne qui est malade, une personne qui est accidentée. Ce sont des chocs hypovolémiques, des chocs septiques, des chocs cardiogéniques, des chocs psychogéniques, c'est des chocs, ce sont des maladies. Et avant qu'on connaisse le choc au niveau médical, on savait qu'une personne sur deux, sinon deux sur trois, mourrait plus du choc que de l'accident ou de la maladie. Ça tue, et c'est ridicule. On a la même expression endocrinienne du point de vue médical, du point de vue biologique, quand on vit des émotions. Et des fois, ça va jusqu'à un niveau aussi puissant qu'en cas d'agression violente du corps physique, mais parce que le corps n'est pas en danger, on y survit. Alors, il arrive une chose qu'on doit comprendre et qu'on peut constater aussi, c'est que plus on sécrète, plus on a d'émotions, plus on en vit et qu'on est capable raisonnablement de les assimiler, plus on devient résistant à nos émotions. Alors, on va finir par être de moins en moins peureux. On finit par être de moins en moins angoissant, mais on a cumulé de l'angoisse, on a détruit un peu le corps physique. Il arrive que par cette agression sans cesse du système hormonal, par le système émotif dans le corps physique, on solidifie le corps. Solidifier le corps veut aussi dire on mute le corps, on fait évoluer le corps. Aujourd'hui, si vous voyez une soucoupe volante apparaître, arriver devant votre maison, vous allez avoir un problème physique certain. Le cœur va se promener, ça va gérer une vitesse intéressante. Mais vous allez probablement être capable de survivre à ça. Il y a 50 ans, la majorité des êtres humains n'auraient pas survécu à ça. Puis il y a 200 ans, ils n'auraient pas pu survivre à ça. Et là, je ne parle pas, je parle juste d'une structure matérielle, mais juste au niveau de la conscience, de découvrir subitement que la Terre tourne autour du Soleil, puis qu'on on est loin d'avoir tout compris, puis d'être capable de supporter ça. Le corps physique est de plus en plus solide, et ça, c'est légable génétiquement de parents à enfants. Sauf que, si on considère la vie de cette façon-là, on pourrait constater, on peut facilement constater, mais on pourrait, disons théoriquement, si on veut, amener un concept qui va dire que toute la vie, toute la structure de l'évolution humaine planétaire est basée sur une seule chose, bâtir un corps physique, qui un jour sera tellement solide, tellement puissant, qu'il pourra supporter quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais est-ce que c'est la raison d'être de notre existence, d'être capable de supporter de plus en plus de stress, de plus en plus de peur, puis de plus en plus de... À ta question, si on serait en séminaire, je te répondrais d'une façon plus directe. Là, c'est ton ego qui pose la question. Puis, c'est pas ça qui est son rôle. Alors, on va passer là-dessus pour l'instant. Mais c'est pas ça qui est le rôle de l'ego de l'homme. Lui, son rôle, c'est de se prendre au sérieux puis de penser que c'est lui le boss. Pour animer le corps physique en attendant que l'esprit descende. L'esprit, c'est le petit peu d'intelligence, de conscience qu'on a de temps en temps chez nous autres. C'est ça qui va nous faire voir exactement et c'est quoi le futur qu'on doit aller chercher. Puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on va toujours être placé au bon moment, au bon endroit. Mais est-ce que plus on va être capable d'en supporter du stress, est-ce que plus on va être capable d'en supporter, plus il va en avoir? C'est ce qui va arriver tant que vous n'accepterez pas de faire le choix de l'homme nouveau, de la femme nouvelle. C'est ce qui va arriver tant que tu n'accepteras pas à un moment donné d'appliquer ta conscience dans ta vie. De passer de la philosophie évolutive à la pratique évolutive. Sinon, on va t'amener à un point d'écœurement où tu n'auras plus le choix. Tu meurs ou tu passes. Alors, il y a des personnes qui se conscientisent, qui sont vraiment brillantes et qui sont belles énergétiquement. Des personnes qui sont bonnes. Perdent leurs amis, perdent leur emploi, perdent leur argent, perdent leur santé. Ils ont un défaut. Ils sont intelligents. Et ils ne s'en servent pas suffisamment. Ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils sont, eux. Alors, il y a des problématiques au niveau du corps, au niveau de l'ego, puis la vie continue simplement à solidifier le corps physique pour qu'à un moment donné, qu'on soit rendu à un point où ce qu'on va accepter de dire, je le sais, ce qu'il faut que je fasse, puis je n'ai jamais pu le faire. Puis là, j'en ai tellement à ras-le-bol que maintenant, je vais le faire. Et puis deux jours après, on n'est plus trop sûr si on veut le faire encore. On n'était pas prêt encore. Puis à un moment donné, ça va passer. Ça va passer. La personne qui décide de maigrir, à un moment donné, elle va maigrir, par engraissera plus jamais. Elle ne souffrira pas dans son amaigrissement, ni par la suite. Mais il va s'être passé un quelque chose. On le sait qu'on doit être en santé. On le sait qu'on doit être ceci. On le sait qu'on doit faire cela. On en sait des choses. Tout le monde ici sait quoi manger, c'est quand dormir, c'est la quantité de sommeil que le corps physique a besoin. Vous savez tous que vous devez vous amuser, que vous devez rire. On le sait. Pas on l'a appris, là. On le sait dans nos tripes, on le sait chez nous. Mais on a jamais le temps, on est tout pressé, on le sait en maudit. T'écoutes un film à soir, faut être couché, mais il est bon le film, faut être couché, mais tu le sais. Puis demain, on sait tout. Pas besoin de Daniel Kemp pour le dire ce qu'il faut qu'on sache. Peut-être qu'il faut un Daniel Kemp pour brosser un peu des petites choses dans l'ego. Mais au niveau d'intelligence, tout le monde a la même intelligence que moi. C'est en fonction de comment on va l'appliquer, l'intelligence, qui va faire une démarcation entre les individus, temporairement. Alors, comprenons ceci. Si effectivement c'est le corps physique qui est grouillé, c'est évident que vous allez manger du chocolat, puis toute notre vie. Et ça va faire en sorte que les nations vont faire la même chose. Toute la structure est basée sur ça, brasser l'humain sans arrêt. Théologiquement, physiquement, en tout cas, tout est basé là-dessus. Même notre corps physique est basé là-dessus. Vous êtes merveilleux, vous êtes parfait. Prenez, comment il s'appelle, Mario Lemieux? Bon, c'est impeccable, c'est merveilleux. Il va peut-être être handicapé à vie dans pas grand temps, par exemple, mais pas l'autre ça, la vie va bien. Il y a plein de conneries comme ça qui se passent sans arrêt et on doit cesser de chercher des réponses dans le sens... Bon, le karma, c'est une chose. On va faire une conférence là-dessus parce qu'il va falloir qu'on débroussaille. Il y a beaucoup de personnes qui payent parce qu'ils supportent un karma qui appartient aux autres, qui payent parce qu'ils supportent un karma qu'ils ne devraient pas supporter, mais qu'ils ont créé eux-mêmes, et qui continuent à agir dans la vie de façon à continuellement se taper dessus avec un marteau dans un an ou deux. Sauf que... Il y a aussi un karma collectif qu'on partage. Il y a plein. Karma relatif, différé, il y en a des sortes. Ce qu'on doit comprendre, donc, c'est que si c'est la structuration du corps physique, on ne parle pas de faire un corps d'athlète. On parle de faire un corps qui sera endocrinalement et cérébralement, au minimum, capable de supporter de la conscience, capable de supporter des choses neuves, capable de supporter, de vous supporter vous autres lorsqu'il va arriver des événements qui vont attaquer votre ego. Je prends un exemple. Vous êtes totalement correct. Vous avez la tête, vous êtes lucide, vous marchez dans un champ, et subitement, il y a une apparition qui arrive devant vous. Une chose qui commence à sortir, là, c'est comme un arbre, ça se transforme progressivement, puis c'est une fée. Et puis là, ça vous dit, je suis Marie, la mère de Jésus. Puis là, ça vous parle, tu sais. Là, vous dites, ouais, mais là, je suis pas sûr que... Elle vous donne une gifle, paf! Là, vous dites, ah, ça doit être vrai, c'est du sang. Le corps physique doit, endocrinalement et cérébralement, votre corps devrait être capable de rester froid pour que vous puissiez rester là. Et là, vous dites, ah ben merde, c'est vrai. Mais là, puis vous restez là! Vous tombez pas à genoux, vous partez pas en courant, vous êtes pas en extase, vous êtes pas manipulable, vous restez ce que vous êtes. Et ça, les corps physiques ne le permettent pas. Qu'est-ce que c'est qu'une personne qui prend panique? Elle est plus dedans, elle est plus là du tout. Le corps physique animé par ce qui est de plus ancestral chez lui, ben il part en fou, il court, il rentre n'importe où, plus de réflexion, plus de conscience, plus d'intelligence, plus de vision, plus de mémoire, rien. Quand on est en colère, puis qu'on crie, puis qu'on gueule, pas nous autres qui est dans le corps. Il s'est passé un petit événement que l'ego n'a pas pu supporter, puis l'ego prend le dessus. Nous autres, on va faire un tour. Puis quand on a fini la colère, ben on revient. Puis là, ben là, nos paroles ont dépassé notre pensée, puis c'est pas ça qu'on voulait dire, c'est pas ça qu'on voulait faire. C'est pas ça qu'on a fait. On est habité par un virus, puis on est manipulé. L'évolution de l'animal humain, c'est de bâtir un corps physique. Quand je parle de l'animal humain, je ne parle pas de l'être humain, évidemment, quoique les deux vivent dans le même corps physique. Bon. L'évolution, elle est structurée sur une chose, c'est de créer des corps qui, endocrinalement et cérébralement, seront suffisamment solides pour supporter les choses. Monsieur, madame, votre compagnie est en faillite. Et là, vous, vous êtes là. Ah ben merde, c'est une mauvaise nouvelle, ça. Puis vous restez là. Mais vous n'aurez pas de stress, vous n'aurez pas d'angoisse. L'ego est encore là un petit peu. Ben, correct, l'ego est encore là un peu. Vous n'irez pas vous suicider, vous ne deviendrez pas alcoolique, commencez pas à prendre de la drogue, vous n'irez pas engueuler votre famille. C'est un événement merdique, comme on en retrouve. En tout cas, je le dis uniquement sur la Terre, mais en tout cas, dans la région ici. Localement, localement. Pas mal sur la planète. Mais vous allez rester ce que vous êtes. Et ça, c'est extrêmement important si on veut bénéficier des événements de l'avenir. Pourquoi? Parce que sinon, c'est endocrinalement qu'on va se faire charrier, c'est émotivement qu'on va se faire charrier. On va toujours être confronté à être amené collectivement dans des régions où on va se faire détruire. Mais là, là, dans cet exemple-là, t'apprends, disons, que t'as fait faillite, c'est un genre... Disons que si on pouvait mesurer ça en stress, disons que c'est plus 10, puis ta conscience est capable de rester là puis de balancer cette énergie-là ou cette émotion-là. Est-ce qu'on va te faire vivre des événements qui vont être plus 12, plus 15, plus 20, jusqu'à temps d'être capable de faire entrer la conscience absolument, en quantité plus grande? Absolument. Tant que tu n'exprimeras pas ce que tu es toi. Totalement. Tant que l'être humain joue à être le petit alors qu'il est grand, à être le faible alors qu'il est puissant. Il n'a pas de pouvoir, il n'est pas fort, il est puissant. Puissant, ça ne veut pas dire qu'on fait tout. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'on ne tombe pas. Le moindre mec qui se met à vanter. Quand il y a un vent astral qui passe, il ne touche pas. Toi, tu es au-delà de cela. Tu es de l'intelligence. Et automatiquement, tu vas commencer à appliquer des lois qui sont directement reliées à l'être humain qui se conscientise. Et là, tu pourras bénéficier des mutations collectives qui vont arriver dans les années à venir. Bénéficier des événements à venir, ça ne veut pas dire savoir où il y a une bombe qui va tomber pour ne pas être là. Parce qu'imaginez-vous le stress que ça va créer. Ça n'a aucun sens. On n'arrivera pas à que quand c'est cette bombe qu'ils vont lancer, vous allez courir en tabarouette. Bon. C'est comme essayer d'éviter des... Le mieux, c'est de ne pas être là, tout simplement. Le mieux, c'est de ne pas être mêlé à la situation. Et là, ça paraît encore bien bizarre parce qu'on se dit toujours, oui, mais tu sais, si je suis en plein milieu, moi, d'une fusillade, comment je peux ne pas être mêlé à la situation? Sachez une chose, il y a beaucoup de personnes qui ont survécu, aidées. Toutes les personnes qui ont travaillé finalement à l'évolution de l'humanité ont souvent été des personnes qui ont été extrêmement aidées par les forces qui sous-tendent l'évolution de l'humanité. Adolf Hitler, pendant la Première Guerre mondiale, a déjà été mêlé à des fusillades qui n'avaient aucun sens. Toute sa troupe est morte. C'était impossible qu'il y ait des survivants. Ça pétait, ça explosait, ça tirait. Lui, il n'a jamais eu aucune blessure. Mais non, on en avait besoin pour plus tard. Et on a énormément de gens comme ça qui ont survécu et qui survivent. Et habituellement, ce sont des gens qui ne font pas partie des belles personnes. Parce que sur la planète Terre, la majorité des forces actuelles sont structurées sur une seule chose, transformer les corps physiques pour que ça évolue. Et quand vous allez arriver, à un moment donné, vous allez dire, écoute, mon corps est évolué maintenant, là, je suis capable de supporter, fait que lâchez-moi. Oui, mais la nature vous lâchera pas. La nature ne laissez pas. Elle vous lâchera pas. Elle va continuer encore à te niaiser. Tant que tu n'auras pas la capacité mentale dans l'astral de contrôler les forces de la nature pour que là, tu puisses leur dire de cesser et de te lâcher. Les mages l'ont fait, les magiciens l'ont fait. Adolf Hitler était un grand sorcier. Il travaillait de toute façon avec des personnes qui sont reconnues comme étant des fiefés coquins de la magie noire. Et ça allait bien. On va bénéficier des événements de l'avenir si on exprime, si on applique notre intelligence dans la vie courante. Autrement dit, si tout ce que l'on connaît comme information sert à quelque chose. Imaginez que la première, fondamentalement, vous êtes constitué pour être manipulé, pour être charrié. Prenons ça comme exemple. Ça veut dire que tous les événements de la vie vont tout faire pour vous promener. Et là, parce que nous, on a l'impression, on a de l'ego, et l'ego va venir, lui, vous empêcher de voir clair. C'est de sa faute! C'est lui qui m'énerve! Et oui, tant que vous allez vous occuper de l'autre, hein, vous occupez pas de vous, parfait. Et puis, à un moment donné, ouais, il pleut encore! C'est la maudite température! Il fera beau de temps en temps! Oui. Mais là, sommes-nous un être humain ou un animal? Un poisson qui sort ramasser des mouches quand il pleut, puis qui va se quitter, un verre, un lombric qui monte, bon, on est quoi? Bon, on va aller faire du ski, puis il neige pas, puis il n'y a pas assez de neige, puis on chiale encore. Oui, mais si, on passe le temps, là. On s'occupe. Quand l'humain va avoir la capacité, puis c'est le temps, là, il reste encore quelques années, mais quand même, les années passent vite. Faut que l'être humain accepte d'exprimer ce qu'il est, lui, se tienne debout devant les choses. Vous ne savez pas, ça c'est pas un défaut, c'est pas un problème non plus de pas savoir, c'est un fait. Je ne sais pas, c'est un fait, parfait, m'en ferai pas qu'un fait. C'est comme ça. Ça vaut pas la peine de s'en faire avec un fait. Bon, il y a un chien qui vous attaque, il vous mord le bras. Ayez pas peur. Non, débarrassez-vous du chien. Mais avoir peur va servir à rien. Ça va servir absolument à rien. C'est pas nous autres, nous on n'a pas peur. Mais il y a des mémoires, elles, eux. Ces mémoires-là, elles vont nous manipuler, elles vont créer la peur, elles vont créer des sécrétions, puis là, le corps physique réagit au système endocrinien, aux hormones, puis là, il faut qu'on contrôle un corps physique qui est sous l'effet de drogues puissantes, les hormones. Mais c'est ça qu'on doit arriver à faire. Et quand on prend le contrôle du corps physique, on peut bénéficier de bien des choses. On appelle ça des réflexes, faut reprogrammer tout notre système de réflexes. Parce que la peur, Faut devenir le maître contrôleur à bord. Il faut atterrir dans le corps physique puis dans notre vie à un moment donné pour commencer à la vivre autrement que par personne interposée. Surtout que l'interposé, il n'a rien à faire. C'est de l'ego, c'est de la mémoire, c'est de l'astral, c'est de l'émotion, mais jamais là-dedans. On peut aimer une chose. Vous savez, on peut sentimentiquement apprécier un paysage, apprécier un événement ou un individu. On peut être en amour vibratoire avec la vie, mais on ne souffre pas de cet amour. On s'ennuie pas quand c'est pas là. On n'est pas jaloux quand c'est avec quelqu'un d'autre. On n'est pas impatient, on n'est pas conditionnel, je t'aime, mais seulement si on n'est pas pris avec ça. L'être humain peut vivre drôlement mieux que l'animal humain, avec de la conscience. Ça n'a pas fait du jour au lendemain, on ne sait pas après une conférence comme un soir, on s'en va pour tout compris, pour tout régler. Mais il faut qu'on comprenne au minimum une chose, c'est qu'il y a un chemin qu'il faut qu'on, tu sais, il faut qu'on marche encore un petit peu, mais il faut qu'on marche en bonne direction. Les événements de l'avenir, qu'est-ce que c'est? Ce sont des événements qui vont forcer l'humain, encore une fois, et si on regarde l'idée du priori de Sion, accentuer l'âge de fer dans l'âge de fer, donc créer le plus de mal possible à l'échelle planétaire, c'est là-dedans que l'humain sécrète. Ça veut dire quoi? Si on regarde encore les cristaux de prophétie, ça veut dire tremblement de terre, apocalypse totale, ça veut dire maladie, ça veut dire sécheresse, ça veut dire inondation, ça veut dire hiver à plus finir, ça veut dire guerre. L'humain évolue comme il l'est aujourd'hui. On veut tous vivre pacifiquement, même les musulmans. Alors ça va sécréter en maudit si ça vit dans le noir. Il n'y a personne qui va être heureux là-dedans, à part quelques militaires. Bon, on se fait qualité quand même de bonheur. Oui, oui. Alors ça s'en va vers quelque chose qui va faire en sorte que l'humain devrait physiquement muter énormément. Par contre, si l'humain accepte, si l'humain se donne l'énergie, si l'humain parvient à exprimer son intelligence immédiatement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes en paix, puis que vous êtes chez vous, puis que tout va, disons, bien, disons que tout ne va pas mal, pour être plus juste. Alors donc, disons que tout va bien. Là, vous êtes qui? Vous êtes probablement vous autres. Je ne parle pas, oui, mais là, je m'ennuie. Non, quand c'est correct. T'sais, quand vous marchez sur la rue, là, puis bon, quelqu'un, c'est correct. Vous êtes probablement vous autres. Encore investi d'un ego habité par le virus. Bon, OK, mais vous êtes vous autres. À partir de maintenant, il faut que plus aucune situation dans la vie vienne changer ce que nous sommes. C'est ça qu'on doit travailler. Oui, mais gars, j'ai encore mon cœur pompe et je transpire. Ça, on n'a rien à voir. Il y a des expressions hormonales, mais c'est pas vous. Ton corps est tout mouillé, là, tu viens le faire dans tes culottes, là. Mais es-tu présent? Oui, je suis là. C'est parfait. J'aimerais mieux pas y être. Mais c'est mieux que tu sois là. Ça, ouais. Il faut être vivant. Au lieu d'avoir des émotions, finalement, on n'a pas mieux des émotions, vivre. Mais on les vit. On en subit. Il faut peut-être mieux les vivre réellement, c'est-à-dire consciemment, pour arrêter. Pas réellement, mais consciemment. Mais on les vit même pas. C'est pas ça qu'il faut qu'on vive. Ce qu'il faut vivre consciemment, c'est toi. Tu sais, on vit toujours consciemment nos émotions. On les vit inconsciemment. On vit nos malheurs, on vit nos maladies, on les communique. Puis nous autres, on se vit jamais consciemment. Et nous autres, on se vit pas, nous autres. Du moment que l'émotion arrive, on se pousse, puis bon, ben après ça, on revient. Puis on bénéficie toujours des résultats de tout ça. Un corps physique qui est stressé, qui est malade, qui est mal nourri, qui dort pas, qui a peur, que ci, que ça. C'est pas nous. On vit avec ça, on n'est pas nié avec ça. Nous ne sommes pas des émotions. Et la personne, un jour, qui a dit ça, c'est un ego. L'ego, si on se met tout au niveau de l'ego, nous sommes que des émotions, que de la mémoire. Nous n'avons pas d'intelligence, nous ne pouvons que réfléchir, donc on est un miroir, puis quand ça vient, bien, on garde ça, on réfléchit. On n'exprime rien, on rayonne pas. Alors que l'être humain a innové, il l'a transformé, il l'a amélioré, il l'a changé. On a de l'intelligence. On est capable d'amener des concepts neufs qui ne proviennent même pas de la mémoire. On change malgré l'homme. On s'améliore malgré l'humain. Les Romains étaient comme nous. Peureux, angoissés, ils bouffaient, ils s'occupaient, il n'y avait pas de vidéo, ils faisaient des orgies. Bon. L'humain n'a pas changé astralement, fondamentalement. L'âme, c'est la seule partie de l'homme qui n'évolue pas. Ça cumule de la mémoire, mais fondamentalement, ça a les mêmes mécaniques. Ça s'exprime pour qu'on sécrète des hormones, pour vivre l'émotion. Nous avons une conscience, c'est elle qui doit évoluer. Dans l'avenir, ce qui va arriver énormément d'événements qui vont bouger, qui vont faire sécréter des humains. Il va en arriver des événements. Comme l'humain s'en attend pas, puis pas mal plus que l'humain s'attend. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'un être humain qui subitement lui conscientise l'idée qu'effectivement le corps physique est un outil, c'est un instrument, autant l'améliorer, on le met en santé, on vire pas fou avec ça, c'est pas une mode de faire l'athlète, rien à voir. Mais on améliore ce qu'on peut améliorer, au minimum. On est dedans. On est pris dedans. Arrangeons-le. Et ce qui va arriver, c'est que plus il va être arrangé, plus vous allez être capable de rester dedans. Donc, plus il y aura d'événements particuliers, des événements bénins. Pas de crayon puis d'encre, tu sais. Il y en a que ça, c'est tout un drame total. Parce que là, il fallait qu'il signe l'acceptation de l'héritage, tu sais. Bon. Ça dépend de haut des niveaux. Mais la moindre petite chose, ce soir, il y a des personnes qui viennent de la conférence, par exemple des dames, puis là, ils viennent mettre leurs souliers, puis là, il y a un talon de cassé, puis ici, puis ça, puis là, c'est là, puis... Hé, il faut vivre pendant ce temps-là. Comment bénéficier des événements de l'avenir si on bénéficie même pas de ce que nous sommes, nous, puis de la vie présentement? La seule façon de bénéficier de ce qui s'en vient dans l'avenir, c'est d'être des êtres humains évoluables, conscientisables, conscients, puis vivants, pas morts. Ça veut dire que vivant, c'est quoi? C'est être là, être là, être là, être là, là. Être là. Alors, il arrive un événement, il y a un ego qui se met à chioler, même si vous vous mettez à chioler, pas vous qui avez chiolé, pensez pas que c'est vous. Parce que si on vous pose la question de vous content d'avoir chiolé, souvent vous allez dire non. Donc, c'est pas vous qui l'avez fait. On est manipulé par nos mémoires, par des mécaniques réflexes. Il y en a dans la psychologie, des programmations. Le psychologue ou le psychiatre, il peut reprogrammer, les éducateurs, ils le reprogramment. Bon, et on se reprogramme, une émission de télévision, un livre, une conférence, ça reprogramme, ça met des nouveaux éléments. Il y a des réflexes psychologiques, donc. Il y a des réflexes qui sont physiques, des réflexes qui sont vitaux. Les réflexes qui sont physiques, on peut en contrôler quelques-uns. On a appris à le faire. C'est sûr, si on donne un coup ici, pousse, le pied il lève. Bon, ça va. Mais imaginez, par exemple, que quand vous prenez un verre d'eau bouillante, je ne l'échapperai pas, là. Non. T'en prenais un verre d'eau bouillante, il arrive quoi? Si tu l'échappes, c'est pas grave. C'est ça. C'est si tu le lances que c'est pire. On le lance encore. On parle de réflexes physiques. Les capteurs, ici, il y a des cellules qui servent à détecter les températures. Quand ça détecte l'eau bouillante, bien, il y a un influx nerveux qui s'en vient jusqu'à la colonne vertébrale. Et là, ça monte vers le cerveau pour vous dire, Écoute, la nouille, tu tiens un verre d'eau bouillante. Sauf que le corps physique ne se fiant pas trop à l'ego, à la nouille, eh bien, au niveau de la vertèbre, il y a un influx qui repart immédiatement, avant même que vous sachiez que vous brûlez la main, il y a un influx qui part pour dire au doigt « ouvre ». Alors, l'influx vient canceller l'ordre de fermer pour prendre le verre, et il y a un influx qui vient dire « ouvre ». Et là, on laisse tomber le verre. Je les surveille des influx. Oui. C'est bon. Ouais. Ça, c'est un réflexe physique. Mais vous rendez-vous compte que ça veut dire que l'influx part de la main, arrive à la colonne, va vers le cerveau, mais revient déjà ouvrir la main. Ben oui, c'est pour ça. Tant mieux. Ça mais là, je prends un verre d'eau bouillante, minute, et là, je le prends et mon cerveau me dit, pas mon cerveau, l'acte réflexe dit « ouvre ». Mon bébé est là. Je n'ouvre pas, hein? Comment ça se fait que je suis capable de l'empêcher d'ouvrir? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai un influx qui va à la colonne, il va vers le cerveau, puis l'autre dit « ouvre ». Lui part. Il sait maintenant que ça va ouvrir, il veut pas. Il dit non. Mais il est bien en retard sur celui qui dit « ouvre ». Alors, je devrais l'ouvrir, puis me rendre compte qu'il tombe. Mais c'est pas ça qui se passe. Comment ça se fait que biologiquement, je suis nerveusement capable de bloquer un réflexe, des réflexes qu'on a appris à bloquer? Il y en a plusieurs comme ça. On parle de toucher là, mais il y a un paquet d'autres réflexes qu'on va être capable d'annihiler dans des situations particulières. Nous sommes autre chose qu'un corps physique, autre chose que de la biologie. Là, il y a un ordre vital qui décolle, qui va drôlement plus vite que l'ordre réflexe, puis qui vient simplement engourdir les muscles qui vont ouvrir. Ce qui fait que notre ordre physique réflexe, quand il arrive là, il n'arrive pas à le bouger assez. On ouvre presque, mais ça ouvre pas assez, puis on a le temps d'envoyer l'ordre biologique qui va confirmer la continuité du mouvement. Nous sommes autre chose qu'une machine. Nous habitons un véhicule. Un véhicule astral, un véhicule physique, on peut contrôler plein de choses quand on décide qu'une chose a de la valeur. On se fout des enfants ou des bébés ou des autres personnes qui se prennent une tasse bouillante. « Hey, d'autres tabarnouches! Là, au crime, t'aurais pas dansé ailleurs? Ben écoute, ma main avant tout! » Parce que l'humain a évolué, parce que l'humain est rendu intelligent, parce que l'humain est rendu avec de la conscience, ben à un moment donné, non! On va dire « ça se fait pas ». Mais non seulement c'est pas esthétique, mais en plus, on arrive à contrôler un ordre réflexe qui est mécaniquement, biologiquement incontrôlable. On a des réflexes psychologiques, c'est la même chose. Tout cela, à un moment donné, et quand on parle de contrôler, c'est pas un contrôle dans le sens méditation, zen ou ben des complications évolutives. Quand vous prenez votre verre d'eau bouillante, là, puis vous faillissez l'échapper, puis vous ne l'échappez pas, vous n'êtes pas rentré en transe avant. Il se passe quoi? Quand c'est toi qui le tiens, j'approche la transe. Ouais, mais juste parce que tu transpires, c'est pas pareil. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que nous avons fini par accepter l'ego, hein, le virus. Profitez-en pendant qu'il y a de l'eau. Le virus a accepté l'idée que nous, l'intelligence, étions capables de faire certaines choses non naturelles. La médecine va expliquer, elle va décrire la mécanique. Elle ne peut pas donner les raisons, mais elle va décrire la mécanique, c'est d'accord. Alors, on doit donc saisir une chose. L'être humain, pour bénéficier des événements de l'avenir, il doit premièrement être capable de bénéficier de sa présence présentement sur la Terre, de bénéficier de ce qu'il est immédiatement là, pour par la suite être capable de bénéficier des événements courants, qui font quand même partie du processus de l'avenir, parce que c'est des événements qui vont arriver dans 5 minutes, dans 1 heure, dans 1 demi-heure. Et progressivement, ce qui va arriver, c'est que l'humain sera suffisamment en harmonie avec lui-même, centré dans son intelligence, puis vivant et présent, que, quels que soient les événements de l'avenir, une paix totale, un régime communiste planétaire, une faillite planétaire, une guerre, n'importe quel que soit le régime planétaire, bien, l'humain sera toujours suffisamment centré sur lui pour être toujours au bon moment, à la bonne place. Il ne peut pas y échapper. Ça sera son karma. Il sera toujours au bon moment, à la bonne place. Est-ce que ça ne sera pas justement un karma si, ben pour la partie d'ego qui restera ou s'il ne faudrait plus qu'il y en ait du tout? Parce que si toi, tu n'arrives à rien, on ben, a... Ouais, ben, je vais répondre à ta question. Vas-y donc. Oui, tu la poseras après. OK. La problématique, c'est que l'être humain, c'est un gros problème. C'est une grosse question. C'est problématique, c'est un gros problème. C'est que plus l'être humain évolue, qu'est-ce que c'est que votre évolution? Chaque fois que vous évoluez, vous rejetez des choses qui ne vous appartiennent pas à l'extérieur, puis vous prenez la place. Et c'est un problème. Pourquoi? Parce que plus on rejette l'anti-homme, plus on rejette les parties qui nous manipulent à être bizarre, à être humain, à être ce qu'on veut pas être. Bon, ben, l'humain, disons, si on dit être humain, parlons divin. Si on veut être divin, pas humain. C'est humain de se droguer, c'est humain de casser la gueule à quelqu'un. Il y a même des mâles qui disent que c'est humain de battre sa femme. Bon, ben, c'est humain. C'est humain de faire la guerre. Alors, ce qui arrive, c'est que plus on évolue, plus on rejette des parties. Et ces parties-là, quand elles sont rejetées, elles gagnent le monde de la mort et elles s'incarnent immédiatement chez autrui. Alors, ça va faire en sorte que plus nous allons évoluer, plus il y aura des personnes qui vont avoir tendance à venir nous taper. Les États-Unis d'Amérique, d'ailleurs, ont comme rôle justement de préserver une partie du contexte planétaire évoluant. Il y a une réincarnation ou une incarnation immédiate des parties évoluantes de l'humain. Et ça, ça crée, c'est un problème dans l'avenir, c'est-à-dire que l'être humain, quand je dis une grosse question, je vais quand même y répondre juste comme ça en faisant un petit tour, c'est que l'être humain qui va évoluer, l'être humain qui se conscientise, progressivement, il sera tellement vivant dans son corps physique, centré dans son intelligence, qu'il aura la capacité aussi, dans le monde de la mort, d'aller placer des choses, et il aura la capacité d'instruire le monde de la mort, donc de reprogrammer, donc de reformer les consciences collectives. On ne parle pas de l'individu. On parle de créer des modes que les autres vont accepter, des modes plus esthétiques, qui vont progressivement le permettre à ces individus-là de parvenir à reconnaître leur conscience, eux autres aussi. On sera en mesure de modifier l'événement avant que l'événement arrive. Oui, mais on va être en mesure de faire cela dans une dizaine d'années. En attendant, ça... En attendant, il va se passer des choses qui peuvent bénéficier à plein de gens. Je donnais un exemple. Il y a une récession. Il y a des personnes qui vont bénéficier de la récession. À Ottawa, il n'y en a pas, par la main. Hein? À Ottawa, il n'y en a pas de récession. Juste ici, c'est très, très local. C'est ça, Ottawa, c'est une autre planète, ça, là. C'est... Bon. Et il y a des personnes qui vont s'enrichir, il y en a qui vont devenir millionnaires pendant la récession. Alors que la majorité vont perdre de l'argent. Parce qu'on doit comprendre une chose, c'est qu'il y a une quantité X de matière monétaire, il n'y en manquera jamais. S'il en manque, c'est qu'elle est drainée quelque part. Puis là où elle va, elle n'est pas détruite. Hein? Elle va quelque part. Et ce quelque part-là, ben, il y a du monde qui vont faire du fric avec ça. Dans n'importe quelle situation planétaire, il y a toujours des gens qui vont bénéficier. La seule chose qu'il y a, c'est que c'est comme quand on joue au hockey. Si vous n'êtes jamais là où on lance la rondelle, ben, ça crée un problème. À un moment donné, la personne qui est très centrée sur elle-même, je ne parle pas... qui est orgueilleuse, qui est égocentrique, je parle que centrée sur son intelligence. Quand je dis centrée sur elle-même, ça veut dire qu'elle ne se laisse pas influencer par l'extérieur. Vous avez raison, je le vois, donc automatiquement, je le sais. Et si je le sais, nécessairement, je change. Je ne change pas parce que vous m'avez convaincu. Je change parce que ce que vous dites, c'est ça. Donc, je ne suis pas influencé par l'extérieur. Je ne suis pas un imbécile. Je vais donc accepter des visualisations intelligentes lorsque, ben oui, c'est intelligent, ça a du sens, c'est ça qu'on fait. Tu as changé d'idée? Absolument. Tu me donnes une énergie, puis avec l'énergie, je vois ça. Je vais changer. Mais je ne change pas parce que vous êtes 25 à penser ça. Parce que c'est la mode. L'individu, quand j'ai dit centré sur lui, c'est un individu qui va être capable de savoir qu'il y a bien des choses qu'il ne sait pas. Puis il en fera plus un plat. Bon, il va continuer à avancer au fur et à mesure des choses. Et il va appliquer ce qu'il connaît, il va appliquer ce qu'il sait, il va appliquer son intelligence. Et nécessairement, tous ceux qui feront ça, tous ceux qui seront capables d'être suffisamment vivants vont bénéficier de tous les événements, donc les événements d'avenir, et d'une façon beaucoup plus réelle qu'uniquement prophétique. Dans le genre, par exemple, j'aurais pu amener une boule de cristal. Puis là, on brosse la boule de cristal, de toute façon, l'état sur la table ici, puis là... Et puis, on regarde, et puis là, on se dit, bien, dans X temps, il va y avoir telle chose, il va y avoir une compagnie qui va faire beaucoup, beaucoup d'argent, acheter les actions de cette compagnie-là. Et on dit bénéficier des événements de l'avenir. Ben oui, mais c'est pas ça, les événements de l'avenir, parce que même si on réussit à faire ça, là, la leucémie qui vous guette, ça, on n'en a pas parlé. Et puis, le crack, après, on n'en a pas parlé non plus. Et puis, on fait juste jouer à l'humain. C'est pas comme ça. Bénéficier des événements de l'avenir, c'est justement d'être totalement nous, d'être bénéficier de notre présence. Savez-vous à quel point votre ego pourrait bénéficier de votre présence? S'il cesserait de vous rejeter à tout bout de champ. Mais il ne le sait pas, il a peur. Parce que premièrement, votre ego sait très bien que s'il vous accepte, il y a des choses qui vont changer. Mais ça, il tient pas trop. Mais comment tu fais pour instruire l'ego que ça sera justement pas si pire que ça, puis qu'il va pouvoir en bénéficier? Il y a plusieurs façons. En lui parlant verbalement ou mentalement ou astralement? C'est préférable verbalement. Oui. Préférable. Mais il y a plusieurs façons qu'il va faire en sorte que... Premièrement, encore une fois, c'est des questions qui sont chouchepettes. Des questions que je vais pas répondre. Voilà la musique. Bien. C'est pas la question qui était suspecte, c'est la réponse. Bon, on revient après, au début de la deuxième partie, s'il se rappelle de sa question. Sinon, vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez sur un papier, puis Charles va les poser. À tantôt. Petite pause.